tu, qui tu, qui tu, joue pas la tisse, mais jamais. Tu couches sinon, Hubert. Encore un tube, sa mère. Oui, ça sent la sassem. Voilà. C'est moi qui donne les ordres. Voilà. Côté, tu bats la ferme. Aristocratie dans le bendo, c'est la fête. Avant, c'était les machettes. Machettes. Maintenant, on manie la gâchette. Gâchette, les ennemis ont changé de cachette. Ah. Numéro 1 dans le game, j'ai la recette. Avant, c'était la disette. Depuis que je les baise en brochette. Maintenant, il pleut des pépettes. Y'a des impacts sur mon corps et des impacts sur ma berline. J'ai rêvé du disque d'or, sur mon mur j'ai mis du platine. Attends que c'était ça mon sort, faire des milliers de livres sterling. Faut que j'entame une nouvelle page avant que le livre se termine. Prolique dans le chin, au cas où cet enfoiré fait du karaté. Sur ma paire de gants, y'a du sang, de la street j'ai pris mes codes, ouais. Broly dans le gym, le cas où cet enfoiré fait du karaté. Ouais, chez nous c'est la fête, avec rien sans ambiance. Issu de la chingue, dans le 91. Oh my bad, tu te bombes. Radio Sud. Bonsoir tout le monde, vous êtes en direct sur la 25e. Désolé, il y a des gens qui m'appellent, il faut que je me mette en avion. Raconte ta life, hein. Tu reçois déjà les appels masqués ou quoi? Non, c'est pas tout de suite ça. Cagoulé même pas. On est en direct dans la 25e tous les jeudis soirs, 22h minuit. Émission spéciale ce soir avec Ehoud qui est avec nous, ça va ou quoi? Oui, bien vous la famille. Ouais, ça va, on ah, est au là. Calme, ça on fait plaisir, là, ça fait là. Plaisir d'être là. Ça merci, plaisir, merci voilà. D'avoir fait, merci à vous de m'avoir invité. Mais merci d'avoir fait la route. On t'a invité, mais pose le chèque après quand même. Ah, t'inquiète. Ah, mais c'est Chao le patron. C'est lui qui m'a dit. Ouais, bon. Ah, lui, il a dit ouais, viens, j'encaisse tout. Ouais. Prends tout sur moi, je prends tout sur mon dos. Merde. Bon. pas tout déclaré. Vas-y. Donc on est avec Ehoud. Ehoud, il est venu avec son poteau Elroy, donc il vient directement de Mulhouse. Si je me trompe pas, ça va ou quoi, Pépère? Ouais, toi. Vas-y, approche-toi du micro, hésite pas, même tu peux le tirer même vers toi. Arrache. Voilà. Caron. N'hésite pas, juste voilà. On est avec arrache masqué. Pas tout. Donc Elroy. Il y a même Gore avec nous. Et il y a Gore aussi qui est là. Et il y a Gore aussi. Mais Gore, on le présente plus. Ça sert à quoi de le présenter, Gore? Gore, c'est un peu comme la BLK. Ils ont une carte VIP, ils sont là un petit peu. Ils passent, voilà. Ils passent faire un petit couplet, tu vois. Donc ça fait plaisir. Merci d'être là, les frères. Et puis il y a Théo 2S aussi qui est là. Lui, il passe, il jette des téléphones, il casse des téléphones. Là. Il n'écrit pas. Délinquant. Petite, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui déjà est un grand jour. Pour deux raisons. Déjà, Giroud a mis un triplé. Il a mis une passe D. El Chevro. Voilà. Il y a grand jour aussi. Parce que j'ai appris que Théo 2S n'écrivait pas ses textes. Ah. Il les recevait directement tout fait par, sur Facebook. Ah. C'est pour ça que j'étais arrivé en retard. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais, ça déclare des dossiers. Ah, fort. Je précise, c'est envoyé par moi-même. Ouais, allez, vas-y, tu sais pas toi l'invité. Pas Donc d'ailleurs, Théo 2S, en fait, ce soir, comme frère Gras n'est pas là, Théo 2S, il va faire office de caméraman, à ce qui paraît. Donc on va se débrouiller. Bon, c'est un vaillant. Tu vois. Et avant de commencer l'émission, je voulais faire un petit big up aussi à Tino, DCG. Si tu nous écoutes, les frérots de Clairsault. Lourd. Et je voulais faire un big up à la BLK aussi, qui vient de sortir un petit freestyle sur Insta. Donc, Luffy, Negrito, allez voir la balistique sur Insta, le freestyle est sorti. Il est sorti quand le freestyle? Negrito, tout ça, l'ami. Là, il est sorti là, tout à l'heure. Là. Ok, parce que tout à l'heure, j'ai cherché, j'ai pas vu. Un post sur un post Insta, en fait, de leur Insta. J'irai voir ça. Ok, bon, ce que je propose, Jounès, tu nous rebalances un petit jingle. Combien? Et après on passe à Ehoud. Sucré, salé. Merde, la sauce Nyok Mam, là, la sauce. Ah, vas-y, j'envoie ça comme ça. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio-sud.net. 101.8. Ok, bon. Je reçois des invectives en soum-soum, mais bon, bref, on en parlera plus tard. Donc ce soir, on est avec Ehoud. Ehoud, on a une petite tradition dans l'émission, c'est que tous nos invités, quand ils commencent, ils nous font un jingle. Tu vois, donc nous... C'est quoi, attends, c'est quoi ça? En fait, tu vois, nous, on a essayé de faire un jingle, tu vois. On a fait un jingle avec un bout de ficelle et puis du scotch. Ouais. La 25ème, tous les jeudis, 22h30, tu vois. Ah ouais, donc ça veut dire qu'en fait, là, Jounès, il va balancer un jingle. Je balance que dalle. Quand le jingle s'arrête, toi, peut-être, tu dis, ouais, c'est où de la 25ème, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? En freestyle. Et en fait... Pose pas un 16, hein. Et en fait, le bail, c'est que nous, on se servira des voix pour refaire des jingles plus tard. Au calme. Si. On va te payer un peu de royalties. Calme, ça, je suis là, moi. Là, on est là pour tout gratter, nous. Vas-y, je balance ça. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Radio Sud. Oh, je peux recommencer quoi là? Vas-y, tu peux se plaire et balancer les jingles et tout. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yo, la famille, c'est Ehoud, c'est Ghost. Connectez-vous sur Radio 25, là. Radio 25, le Sud. Vas-y, je vais recommence, s'il te plaît. Recommence ça, la famille. Recommence au poulot, ça, on est là. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. La famille, c'est Ehoud, c'est Ghost. Connectez-vous sur Radio 25, la 25ème, Radio Sud. On est ensemble, ciao. Si, on est tous là. Ça bien claque. Joué. On est bien là. Joué. Aïe, aïe, aïe. Yes. Ça, on a réussi, frère. On a réussi. Aïe, on a c'est réussi. Un chantier, c'est un chantier. On commence bien, c'est le temps de se mettre en route. Ehoud, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux? Quels sont tes réseaux? Donne-nous tout. Et venez tous sur Snap au cas où. Venez tous sur Snap, venez tous sur Insta. Venez tous sur YouTube. Alors, Facebook, c'est mort et tout au cas où. Ok. Donc, c'est quoi ton Insta? C'est quoi? Mon Insta, c'est Eout 408. Et Eout 408. Et Eout 408. Mon Snap, c'est Eout 408. Et Eout 408. Et YouTube, c'est Eout 408. Et Eout 408. Bon, donc, pour ceux qui nous écoutent, et Eout, ça s'écrit E-H-O-U-D 408, comme le quartier de Bezac. 408. Aïe, aïe. 408 est de brûlard. Plus en plus chaud. On toi, t'es de plus en plus chaud. On connaît, on connaît. Yeah, yeah, ça fait plaisir. Alors, respecte Eout... ceux qui ont la calvitie quand même. Respecte. C'est un fort on compatit, on connaît, on connaît. Peut-être ça pourrait aussi nous arriver, un de ces quatre, la calvitie. Elle prévient pas. Alors, Eout, je voulais savoir. Bon, en fait, je t'explique. On t'a préparé une petite interview. On a plusieurs thèmes, on a plusieurs jeux. Au calme. On diffusera tes morceaux. Voilà. On prend notre temps, on finit par un freestyle. S'il y a des gens qui veulent freestyler, ça freestyle. Il y avait RTZ qui devait venir en deuxième heure. Malheureusement, il ne viendra pas ce soir. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Donc, on prend notre temps, il n'y a pas de souci. Calme, au calme. Donc, la première thématique, c'est on aimerait savoir un peu d'où tu viens, ton histoire, dans le Peura, etc. T'as quel âge ? Moi, j'ai 20. 20 piges. 20 piges, j'ai bientôt 21 ans là. Ok. En 2-3 mois. Ok. Bah tu viendras nous ramener un gâteau ou un bail, non? C'est moi qui viendrai manger un gâteau, ouais. C'est moi je viendrai manger un gâteau. Bon, t'inquiète, faudra déplacer la radio à Mulhouse alors. Un gâteau fait par Chao et tout, ça fera plaisir ça, voilà. C'est un M, hein. Ça sera un baba au gros, ça. Ça sera un gâteau alcoolisé. Oh. Maman, si tu m'écoutes, c'est pas vrai. Je bois pas d'alcool. Début dans le rap, tes débuts dans le rap. À quel âge, ça fait combien de temps tu paieras? À peu près. Si je me rappelle bien. Ouais. Les premiers textes que j'ai écrits il y a 7 ans comme ça. Ah ouais. Il y a 7 ans. Ah ouais, ok. Non, 7 ans j'abusais. Oh, j'abusais il y a 4 ans, en fait. Excuse-moi. Ok. Ça fait même pas 7 ans que je suis là. Ok. Donc on va dire que tu as commencé vers 16 piges, quoi. Voilà. Non, avant. Ah ouais, non, 16 ans, excuse, 16 ans. Ouais, 16 ans. Où, t'arrêtes de mentir ou pas là? Non, c'est vrai, 16 ans. Par là. Non, mais c'est parce que je me rappelle pas vraiment bien. Ouais. Parce que ça fait un peu un bout de temps et tout. Si. Et j'ai commencé avec l'association KM. Okay. Gros dédicace à eux, c'est des bons, voilà. Ok, le KM de Besançon. Gros à eux, la famille. Yes. J'ai commencé, t'as vu, il y a Gore ici, il était là quand j'ai écrit mon premier texte au KO. Pourquoi tu l'as ramené? Hein? C'est la mif Gore. Il était là au début, il est là depuis le début, connais. Il peut tout dire, lui là au moins, il peut dire, ouais, il ment, il dit la vérité, il ment, là, il ment. C'est lui le thermostat. Aïe. Si. Et Luciano, tout ça. Negrito, tout ça, on était ensemble dès le début. Okay. On était ensemble, on a tous commencé ensemble. Yes. Et là, on continue, on fait de temps en temps. C'est un plaisir de faire de la musique. Okay. Du coup, on continue et peut-être. Il y a Edinho qui est arrivé, qui est en train de le check en plein milieu. Donc on continue et puis on continue. Et peut-être un jour, on se mettra à fond et tout. Mais pour l'instant, on fait pour se faire plaisir. Si. Donc ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, tu as commencé en solo, mais avec le KM, tu as rencontré d'autres bougs, mais vous n'étiez pas forcément un groupe. Non, mais en vrai, je rappais même pas moi. J'ai croisé les KM, ils m'ont demandé tu rappes, je les ai dit oui. Okay. Parce qu'il y avait un stage, j'avais des meufs dedans. J'avais que des meufs dans les stages. C'est un malentendu, ton histoire. Il y avait que des meufs dans les stages. C'est un malentendu de fou. En fait, de base, ils voulaient pas rapper. Voilà, c'était pas mon délire, moi. Moi, à l'époque, téléfoot, moi. Tu peux signer au PSG comme ça, tu joues au foot, toi, ouais. Ah, je les ai dit, ouais, j'ai rappé tout, nanana. Les gars, ils m'ont dit, ouais, vas-y, c'était un gars chaud. Reviens demain à 14h. Ok. Si j'étais chaud, moi j'avais rien à faire au quartier, j'étais là demain à 14h, c'était les sbeul. Et t'as fait quoi à 14h là? 14h, qu'est-ce qu'il a fait? ça a commencé à écrire, cache les premiers textes en écoutant des gars chauds comme Sapologue, tout ça là, qui freestyle chaud comme ça m'a donné envie. Si. Et de plus en plus ça a évolué, ça s'est amélioré, ça s'est raffiné, mais on est encore au début, on n'est même pas à 10%. Ok, si. J'aime bien. Big up Gore, Sapologue. Le KM, tout ça. Est-ce qu'on a prévu d'inviter Sapologue là? Pas encore. Pas encore. On l'a déjà vu. Bon, ouais. il est déjà venu, mais ouais, on n'a pas prévu. Okay, okay. Bon, bah, si tu nous écoutes, de toute façon, peut-être qu'il va passer après, je crois. Il va arriver bientôt. Okay. Je crois qu'il a qu'une petite go là. Tête de âme, voilà. Il faut qu'il sache qu'au cas où nous, on dit la vérité. Faut pas qu'il nous fasse des trucs. Faut pas qu'il nous fasse des trucs après. Il se croit à l'abri et tout. Voilà, Sapologue, si tu nous écoutes, viens vite. C'est pas vrai, mon. Il vient vite et tout tira. Bien. Normalement, il est pas avec une meuf. C'est pour rire. Ok. Je rigole. Ok. Bon. Et... si la meuf à Sapologue m'écoute, sache que je m'en pas au cas où. Voilà. Vas-y, il est venu régler des comptes. Hein. Il est chaud. Il est venu régler des comptes. Non, pour en fait, c'était une émission spéciale Sapologue. Du coup. Non. Du coup, on l'a déjà invité. Voilà. Faut qu'il vienne, il y a de la matière. Là. J'ai vu deux, trois trucs. Bon, allons-y. Et Oud. Ehoud, pourquoi Ehoud? Ehoud, ah ça c'est mon prénom. Ah ça tombe comme ça. Ah ça c'est mon prénom les gars. C'est vraiment ton prénom. C'est mon prénom, Ehoud, c'est mon prénom. Ok. Quoi? C'est mon prénom. Voilà que même des fois les gens des fois dans la rue me demandent ouais tu t'appelles comment? Je réponds Ehoud et tout. C'est quoi ton prénom? Ehoud. Et ils me disent ouais mais ton prénom. J'ai dit c'est Ehoud. Ils pensent que je suis inimique avec Ehoud mais en vrai c'est là. En vrai parce qu'au début j'avais pas cherché des blagues parce qu'avant je m'appelais Captain Charismatique, t'as vu? C'est bon ça. C'est bon ça. Et la tête de homme, c'était moche, t'as vu? C'était nul. Par rapport à Captain America, tu te situes où? Je suis loin devant lui, je suis au cube. Ah, vas-y. Ah. Je suis au cube, il a dit. Vas-y. Et du coup, on a mis les vrais blases, t'as vu? Ok, donc c'est ton blase. C'est mon nom, mais mes potes à moi, les gens au quartier m'appellent Ghost. Ok, Ghost. Par rapport à ma série de freestyle. Et c'est hacké Ghost aussi. Ok, c'est devenu ton surnom aussi. Ok, un alias. Ok. Soirée vérité aujourd'hui. Hein. Ah, mais c'est bien. Voilà, ça... C'est ça qu'il faut. C'est quoi, Captain quoi, charismatique? Aïe. On oublie ça, non? Ok. C'est bon, du coup, ce soir, on va t'appeler Captain toute la soirée. Rappelez-moi, quand vous voulez, ça fera plaisir. Et du coup, Ehoud, c'est de quelle origine? Moi, je suis d'origine congolais-angolais. Congolais-angolais? Ouais, mais j'ai plus grandi en Angola qu'au Congo parce que mon père travaillait en Angola. Ok. Du coup, j'ai grandi en Angola et après, vers début 2012, je suis venu en France. Ok. Si. Voilà. Tu sais que Jounès est angolais aussi, hein? Ouais. Mais je crois que tu m'avais dit ça, mais ça date de longtemps. Oui. De longtemps, tu me l'avais dit et tout. Au calme, ça fait plaisir. C'est la famille, c'est la mif. Doucement, hein. Doucement, Captain. Doucement. Non, mais toi, t'es angolais, mais du coup, j'ai entendu dans tes textes, je parle souvent en lingala. Ouais, parce qu'en fait, en portugais. Ça fait pas. Non, mon portugais, je fais des textes en portugais, mais les textes en portugais, je les sors pas parce que. C'est spontané parce que je suis spontané. Mais non, c'est parce que je suis spontané, parce que je sors les sons que je pense correspondre à l'instru tout. Okay. Du coup, les textes en portugais, où il y a des mots en portugais, c'est pour plus tard 2020 ou fin 2019, on est là. Ah ouais, de toute façon, on a tous les temps. Si. T'as raison. Et en dehors du rap, tu fais quoi? Commence pas à rentrer dans les détails comme avec Sapologue, voilà. Tout ça doucement, va doucement. On est là, c'est quoi tes kiffs? Il va mourir dans pas longtemps, je pense. nous on est là, on va en cours, faut toujours aller en cours. Yes. Et les restes des temps, on est là. Cours de quoi? Tu fais quoi comme cours? Moi, je fais chaudronnerie. Quoi? Chaudronnerie. Je suis en BT chaudronnerie. Ok. Tu mélanges quoi? Je suis dans la création. Ah, tu crées quoi? Exactement. C'est une grosse question. Tu es dans la création, tu crées. Lourd. Exactement. Ça coule de source. Ouais. Si. Toujours dans l'art. Faut toujours rester dans l'art. Et là, tu me parlais de. Je sais plus de quoi tu me parlais. Non. J'étais en train de penser que Jounès, il était en retard alors qu'il était à peut-être 1 km, 2 km d'ici. Oui. Toi, t'as fait la route depuis Mulhouse pour venir jusqu'à l'heure. Et en fait, je voulais savoir quel est ton lien avec Mulhouse Est-ce que voilà, est-ce que t'es parti justement pour les cours ou pour autre chose? En vrai, je suis parti parce qu'au quartier c'était trop le bordel. Ok. C'était trop le bordel. Mon père, il a eu marre, il a voulu déménager. Et une fois, il est allé à Mulhouse. Il a kiffé en fait. Ok. Il a kiffé. Il a cru que c'était Lisbonne. Il a dit bah, on va déménager à Mulhouse, alors qu'avant je connaissais même pas qu'il y avait une ville qui existait qui s'appelait Mulhouse. Si si. Et on est parti à Mulhouse. Lourd. Et voilà. Et okay. Maintenant on habite à Mulhouse et tout, mais on est toujours d'ici, t'as vu? Si, si, si, si. C'est toujours chez moi ici au calme. Il serait allé à Los Angeles. C'est là aussi, c'est, hein, c'est la distance aussi qui compte aussi. Mais après là, on est tout près. C'est à une heure d'ici. Si, si. On fait un saut, on est ici directement. Du coup, ça passe. Un grand saut, hein. Eh ben, en tout cas, ça tombe très bien parce que le son que tu m'as demandé de passer en premier, c'est avec Shoka. Au calme, c'est mon gars sûr. C'est Ghost 3. Aïe, aïe, Shoka, aïe. Shoka, c'est Mulhouse Shoka aussi. Shoka et K-pop. Et K-pop, mon gars, jure, et Shoka pique. Ben Ghost 3, on l'avait passé, je sais plus, c'était il y a une semaine ou deux. Je t'ai dit, ça c'est mon son, tu vois, donc je suis très content de le repasser. Donc on va faire péter ça. Et Oud, Shoka, Ghost 3, Jubilé, on écoute ça et on continue à la suite. C'est les jours du jugement, les résorts on va jubiler. Hier j'étais sur Jupiter, c'est pas moi mais c'est l'agent, vous jubilai. Je suis au labo avec Shoka, sur les drones en clip Ghost 3. Pétose n'est pas la choquer, 4-0-8 c'est pas Godam. Quand tu fermes les yeux t'entends les tirs, toujours armé on s'entend au pire. Nous croisons tard les soirs, fumer la baie dans la Batmobile. La ligne dans la tête pas du soda, je sais j'ai la finir et solo. Cicatrisé comme un soldat, ici peu de flammes ici c'est soda. Et ici rien n'a changé comme à Luganda, ça roule de gros tag avant la Lady Gaga. Ça frise c'est qu'avec mes loups-garous, je rentre seul, il me reste des cigares. Bourré, je vois la mêlée qui arrive. Viande descend en bas du garage. 4 contre 3, je m'en bats les couilles, c'est loyal sous les manteaux. Quand j'ai 3 garaves, comme Azembe, je viens du Katanga. Adama sort les katanas. Oseka, Jue, Kennedy X, Mulumba, Kadhafi ou Sankara. Cross, tu parles catalan, long beat comme l'oreille d'un cacala. Au braquet, Awo, Bomi, Kuna, Novi, Nazon, du maté catalan. Ces fils des buts, tu trônes les ceintures noires. Nous, on opère comme la Gestapo. T'affiches ta vie sur toutes tes réseaux, dessus sur ce napon, t'es fait un guet-apens. Ouais, Igo, j'ai rap ce que je ressens, je suis celui que je ressemble. Évidemment, René, j'ai chant. Y'a pas d'artifice, même en décembre. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est vide depuis 10 ans, trop la rage. Il s'acharne à fouiller la sa gauche. Pourtant, les gîtes étaient cachés dans l'ouarage. Trop chaud, pas besoin des boumaras. J'caille dans les phrases, faut de mon bout de marron. Fais pas les fonds, les toutes balaves. Après tout, tu mérites tout bâtard. J'ai rêvé les jours du jugement. Les ressorts, on va jubiler. Hier, j'étais sur Jupiter, c'est pas moi, mais c'est l'agent, vous jubilai. J'suis au labo avec Shoka. Sur les drones, on clip Ghost 3. Pétasse, n'est pas la choquer. 4-0-8, c'est pas Godam. Quand tu fermes les yeux, t'entends les tirs. Toujours armé, on s'entend au pire. Nous croiser tard les soirs. Fumer la baie dans la Batmobile. La ligne dans la tête, pas du soda. Je sais, j'ai la finirai solo. Cicatrisé comme un soldat. Il peut déflammer si c'est soda. J'ai roulé une frappe, changer continent. Des trois poteaux dans les bâtiments. Puis j'ai pas besoin des compléments. Souris, ma caille, bon monde, un peu de piment. Et où dis-moi ce qu'il faut faire. La ligne en gros, où on faut faire. Et qui est tagué dans les bâtiments. On va te sauter, des personnes sera au courant. Tu racontes de la merde, je pose toi. T'as consommé tout au poston. J'ai noté jambal comme Ghost 3. Tout ta mouille dans ma gova. Un gros pilon, même en gros star. Bitch, c'est très sale, j'baise une pop star. C'est qu'elle fume, c'est du vrai comme RG. Baba King, t'es gain des rock star. Tu sais ce qu'il y a dans l'olive, je filme avec l'oseille, non, je guérais le mal. Petit à petit, je prends l'avant, j'ai mis ma paire de vins, je vais jeter ta femelle. Prochain de bébé caché sous la neige. J'ai mis l'ingas à poser toute l'année. Que la ligne grosse m'a consommé. Pour les pistes, on vit ça de l'année. Chérie, c'est les jours de jugement. Les biftons, on a fait des milliers. Actuellement, dans nouveau continent, je comprends pas. C'est que passe trop bidon. Petite pute passe le biberon. Les sirops mélangés avec du citron. Dans la 5 chaîne de mi-tonne. Ramène l'ammoniaque, c'est la pute trop. J'ai rêvé les jours du jugement. Les résorts, on va jubiler. Hier, j'étais sur Jupiter. C'est pas moi, mais c'est l'agent, vous jubilai. J'suis au labo avec Shoka. Sur les drones, on clip Ghost 3. Pétasse, n'est pas la choquer. 4-0-8, c'est pas Godam. Quand tu fermes les yeux, t'entends les tirs. Toujours armé, on s'entend au pire. Nous croiser tard les soirs. Fumer la baie dans la Batmobile. La ligne dans la tête, pas du soda. Je sais, j'ai la finirai solo. Cicatrisé comme un soldat. Ici peut déflammer si c'est Sodom. Radio Sud. La 25ème. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. G. Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Ok, ok, ok. Vous êtes toujours dans la 25e émission spéciale Ehoud. Aïe, aïe, aïe. Qui est venu ce soir. On est là toujours. Qui est venu ce soir, ça fait plaisir. On va continuer un petit peu notre interview. Oui, donc oui. J'avais. Interview plusieurs... révélation. Interview révélation. J'ai vu que là, t'étais chaud, que t'étais lancé. Du coup, on va parler d'anecdotes. Je vais te demander plusieurs anecdotes. Pas sur Sapologue, hein. Non, calmez. Sapologue, c'est bon. Je pense que pour ce soir, c'est bon. C'est le tranquille, mais... Voilà. Et j'aimerais bien... Après, c'est toi qui vois si tu réponds ou pas, en fait. Si tu nous racontes un bail ou pas. Au calme. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton premier son? Mon premier son? Ouais. Au studio ou écrit? Comme tu veux. Mon premier son studio, je me rappelle, mon premier vrai son studio, c'est 9 mm. 9 mm? Ouais, ouais. T'étais jeune, hein, dans le clip. Très jeune. C'était il y a combien de temps, ça? Il y a 4 ans, je pense. Tu sais quoi, j'ai revu le clip. Et en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas toi, hein. C'est Eddy. Aïe. Bad. J'ai vu Eddy apparaître derrière toi, là, là-bas, à rue d'Arène, là. Ouais, lourd. J'ai vu apparaître, j'ai dit non. Ça prologue. Il n'y avait pas encore de beubard. Voilà. Il était jeune. Et puis à un moment, il y a un gros plan sur sa grosse tête là, Eddy là. Il est hésitant. Ouais, c'était mon premier son et tout, tu vois, ça c'était je l'avais enregistré chez un frère à moi, DJ Menace. Grosse force à lui. OK. Je l'ai enregistré directement, je savais pas quoi faire avec les sons, j'ai appelé un pote à moi qui clippait un peu. Il s'appelle Maïdo, grosse force à lui aussi. Yes, Maïdo. Il a cash débarqué en ville, on a appelé quelques gars qui étaient là, tac. On a fait les premières clips et voilà, ça a tout niqué. Bim, bim. C'était lourd. C'était bien. Si. Ok, première anecdote. Bon, vas-y, on y va tranquille. Mollo. On va aller tout doucement. Raconte-nous ta dernière mauvaise soirée. Ta dernière mauvaise soirée. Une soirée là, elle commence bien, finit mal. Elle commence bien, finit mal. Après, je sais pas, peut-être. Ah, mal, c'est tous les jours, quoi. c'était carrément ici, je crois, il y a 2 semaines. Ouais. Il y a 2 semaines et tout, tac. C'est mal fini la soirée, voilà. On était posés avec des potos et tout. Il y avait des copines, des copains. Je vois, il rigole bien. Il y avait des copines, des copains. Tu connais, quand les hommes y boivent, ils se contrôlent plus trop. Voilà, donc après, ça. C'est parti un peu en cacahuète. Il y avait la police, tout ça. Il y avait des grosses conséquences. Et voilà. Bon. Et c'était pas trop cool et tout, c'était très, très mauvaise soirée. Après, je vais pas raconter la suite parce que t'as vu et tout. Raconte pas, c'était rennaise. Lui, il va pas. Non, mais tu sais, lui, c'est quoi? Une fois, il est en garde à vue. Il a pas fait. Une fois, il était en garde à vue dans une campagne et tellement qu'il y avait personne. Il était tout seul dans la garde à vue, le chef de poste, il est rentré chez lui, il était tout seul. Tout seul dans la journée. Ils ont éteint les lumières et tout. C'est fermé maintenant, monsieur. Il était tout seul au commissariat. Ah ouais, c'est vrai ça, c'est vrai en plus. Ça, faut pas raconter tout, tu vois. Ouais. Faut cacher ça et tout. Laisse-nous un peu, laisse-nous imaginer. On a parlé de vérité aujourd'hui, non? Okay. Ouais, mais il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire. Il n'y a que les vérités sur les autres. Tu connais. Okay. En parlant de vérité, Sapologue, merci d'être venu. Sapologue est arrivé. On a entendu parler de lui en début d'émission. Ouais, grosse force à lui, la famille, les sangs, calme, on est là. Bon. Et là, on espère que ta copine n'a pas entendu. Si jamais il y a un podcast, pourra réécouter Sapologue et ça te fera plaisir, au calme. Ok. C'est des vrais frères. On continue les petites anecdotes. Raconte-nous une anecdote sur un tournage de clip. Ah ouais. ça va vite. Non, raconte-lui, Jonas. C'est à voir avec une Peugeot blanche. Je vais raconter en fait. Hein, parce qu'il y avait une fois, on devait faire un clip ici à Besançon. Ouais. Et j'avais décidé de partir avec quelques potos des Mulhouse et tout, tu vois. Ouais. Les problèmes, c'est que quand on est arrivé à la gare, on était déjà grave en retard. Ouais. On n'avait même pas le temps d'acheter, de composter les tickets, de carrément d'acheter les tickets. Du coup, on décide tous de frauder. Voilà. Il veut faire le mec bien. Rien acheté. Il est en mode gossip. Ah, fraude. Oh, il est pas venu pour rigoler. Il fait quoi? Oh, il a cru, il était au commissariat. Ouais, on n'a rien, on n'a pas eu le temps d'acheter les tickets. Ah là là. Mais qui te croit, putain? Dis la vérité. Non, voilà quoi. Après quand. Ouais. Après, big up à la SNCF au passage. Voilà, grosse big up si à vous eux. Écoutez. On est quand même arrivé en bonne condition et tout. Mais quelle galère. Oh, tu te rappelles? Gori, se rappelle. On se rappelle, Théo, tu te rappelles? Ah, c'était chaud. Voilà, une voiture, elle a carrément un peu explosé vite fait et tout, avec des artifices, tout ça. Mais... On peut la retrouver dans le clip, hein. Ouais, exactement, dans si le clip. Si on fait attention, on voit bien. Voilà, allez cliquer fort, les gars. Allez cliquer sur les clips Ghost, Ghost Parano. Ghost Parano. Des scènes des malades, des explosions. magnifique. Cascades, des cascades. C'est lourd, les gars. Il faut aller cliquer. Yes. Vous allez tout comprendre. Si, lourd. Ok. Bon. Flash, ce soir. Flash Info, Chao. Flash Info. Ouais, je vois, t'as le maillot du d'Arsenal là. J'ai le maillot d'Arsenal, mon gars. Vieille team, normal. Là, ils sont en train de mettre 3-0 à Rennes, hein. Ça passe. Ah, ça y est. Ça passe. Wow. Pas non. Moi, je suis d'accord. Zut croûte. Hein. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, tu connais, je suis un Gunners. J'ai fait un ticket Rennes, wesh. Comment? Mais toi, t'es un ouf, toi. T'as mis Rennes, toi? J'ai mis Rennes, c'est qualifié, wesh. Ah ouais. T'es bizarre, toi. Ah, mais. Après, ah, mais j'avais. Cote à 1,80, même pas, c'était. Ah, mais avec Ben Arfa avec et tout, les 100 Ben Arfa. Ouais. C'est un moi génie, aussi, non? J'aime bien Ben Arfa. Ah, mais c'est un génie. Là, hein. Là, je m'attendais. Faut qu'il passe, wesh. Je m'attendais qu'il mette une balle en profondeur et tac. Je sais plus c'est qui l'attaquant de Rennes, il marque, voilà. Et voilà, Arsenal, il est obligé de marquer. 3-0. Ouais, c'est... mais Rennes, il va marquer un but et ils vont tirer les pénaltys, je pense. C'était le flash info football. C'est au calme. 3-0 pour l'instant, si. Vive Rennes. Ce soir, j'ai vu que tu étais venu avec Elroy. Oui. Donc du coup... Il y a Baudrug aussi au cas où, faut pas oublier. BDRG, il est là. BDRG. Il est venu avec son boug. Aïe. Non, Elroy... c'est mon boug. Adama. Adama. Adama, big up Adama. Si, c'est lourd. Donc Elroy, il nous a ramené un petit morceau aussi. Donc okay. on va écouter ça, on va balancer ça. Lourd. Il s'appelle comment le morceau, Elroy? J'aime, ok. Bon. On va balancer ça et puis on continue la petite interview. Calme. C'est parti. J'aime les tarpés et chars qui font brr brr. J'aime les moteurs qui font hum hum. J'aime quand les pneus foncent. J'aime rider dans mon hood. J'aime ça. J'aime quand j'ai bien mangé, que j'ai le ventre rempli. J'aime quand je redonne le sourire aux Yankees. J'aime quand je sors du coiffeur avec les contours. J'aime quand la roue tourne et que c'est à ton tour. J'aime quand tu te mets à parler franc. J'aime quand tu mets pas les dents. J'aime quand ce putain de moteur ronronne. J'aime quand tu cries Elroy, Elroy. J'aime quand j'ai fini ma journée. J'aime pas dépenser mon bif, non je préfère l'investir. J'aime les beats, les stars, les pizzas, les grecs. J'aime bien les revolvers, mais je préfère les machettes. J'aime faire des jeeps, des pompes de traction. J'aime quand elle se met en mode avion pour se faire monter en l'air. J'aime faire des roues arrière, j'aime quand les ennemis détalent. J'aime pas être aux arrivants, j'aime être libérable. Ouais. J'aime les tarpés et chars qui font cric cric. J'aime les moteurs qui font vam vam. J'aime quand les pneus foncent. J'aime rider dans mon hood. J'aime ça. J'aime les rues de Los Angeles, le poulet frit chez Roscoe's. J'aime ton bonnet. J'aime me déconnecter. J'aime l'été, les pécanes, les barbecues au Jex. J'aime pas écouter ces rappeurs de merde. J'aime rester dans toi parce qu'il fait chaud dedans. J'aime faire semblant d'être choqué alors que j'étais au courant. J'aime les baskets neufs, marcher avec. J'aime les combats de boxe, casser ta tête. J'aime foutre le tawa, niquer le hella. J'aime pas te rappeler si Layla, c'est qui c'est là. J'aime les discours de Malcolm X, Césaire et Luther King. J'aime Rosa Parks. J'aime pas les médias ni la politique. J'aime le week-end, j'aime pas la semaine. J'aime les tarpés et chars qui font brr brr. J'aime les moteurs qui font vam vam. J'aime quand les pneus font ski. J'aime rider dans mon hood hood hood. J'aime ça, j'aime, j'aime ça, j'aime, j'aime ça, j'aime, j'aime ça. J'aime ça, j'aime, j'aime ça, j'aime, j'aime ça, j'aime, j'aime ça. Radio, la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Ok, ok, ok. Vous êtes toujours dans la 25e. Merci, merci, merci pour cette petite interlude. Jeunesse. Fallait que je me fasse passer pour Ehud. Du coup, je mets ses sons, tu vois. Ok, donc pendant que Ehud revient dans le studio, je voulais faire un big up à tous nos auditeurs qui sont, ils sont pas mal à nous écouter sur radiosud.net, 101.8, mais particulièrement sur Internet. Donc, je voulais vous dire merci pour la force que vous nous envoyez. S'il y a des gens parfois qui passent comme ça dans la rue d'Arène, qui ont envie de dire bonjour, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Viens à boire. Hein ? Viens à boire. À boire ? Ouais. Tiens. Voilà. Donc en direct, un passage de coca. Merci. Ehud est revenu, on peut s'y remettre. On va passer dans la partie un petit peu plus rap, influence, point de vue. Okay. Tu nous dis un petit peu ce que t'en penses. Okay. Influence, quels sont tes trois albums références? Si t'avais trois albums, que là aujourd'hui c'était valeur sûre. Bon, valeur sûre. Kofi Olomide, Papa Wemba. Bon. Non. Les albums référents, je dirais quoi? Je dirais numéro 3, je donnerais à Joke. Adéaba, ouais, Adéaba. Lourd. lourd. Yes. Voilà. J'ai écouté ça 5 ans de ma vie, lourd. Ok. Et je donc dirais top 2, je dirais. Bouba Tant Mort. Lourd. Ok. Et numéro 1, je les donnerais à Michael Jackson. Michael Jackson faisait du rap. Non, après. Non, mais musical, on est en train de parler musical là. On a dit trois albums références, on n'a pas parlé de rap. On n'a pas parlé de rap, on a parlé de trois albums. Après, bon. Troisième, c'est. Les premières, c'est Michael Jackson, Thriller. Après, à Bouba Tant Mort. Troisième, à Joke. Okay. Et on dira même après Esprit Noir aussi dedans. Lequel? Le dernier là? Non. À l'ancienne un peu. Attends, avec Style Fresh et Ancienne École. Et Nouvelle École. Nouvelle École. Ouais, ouais. N-E, ouais. À l'époque c'était bizarre. À l'époque ils avaient des. C'était bizarre. Des grands freestyleurs. Ok. Je note. Et du coup cette année, si t'as un album là que t'attends, que ce soit dans n'importe quel style de musique, ce serait qui? Et j'attends. J'attends Joke, hein. La tête de moi-même, je l'attends. Ça fait longtemps que t'attends. Depuis 2014, on est là, on écoute encore. Les pires, c'est qu'on écoute encore. Lui, il se fait on écoute encore, tu vois, on écoute encore. Il s'appelle Joke. On écoute encore. Ouais, mais on écoute encore. Il envoie des clashs sur Twitter. Mais c'est quoi? C'est sa maison de disque ou c'est quoi le problème? On sait pas, on connaît pas. J'ai vraiment suivi le truc, moi, mais. Mais lourd. En tout cas, moi, j'attends. Impatiemment, j'attends. Okay. On est là, on attend pour voir ce qu'il va donner maintenant. Mais là, il a sorti des sons là récemment. Oui, il a sorti un son. Il a sorti. Sur des remixes. Mais déjà, il a changé de blaze. Il s'appelle plus Joke. On est. Il s'appelle Ateaba, ouais. Voilà. Ok. Moi, j'ai vu le clip là un peu. Son premier truc en mode Ateaba, tu vois. Hein. Je sais plus c'est quoi le nom. Avec la paire de Nike, non? Je sais pas. Oui, vision, ouais, non, c'est oui, comme ça, ils s'envolent un peu avec le délivre et tout. Voilà. Ouais, c'était lourd, exact. Celui-là, j'ai vu aussi. C'est Rock and quelque chose, Rock and With Me, je sais plus quoi. Rock With Me. En anglais comme ça. Yes. Remix de Michael Jackson. On parle pas anglais et tout. Rock With You. Et du coup, parce que là je voyais tes albums références, du coup j'entends Michael Jackson, ça veut dire que t'écoutes pas que du rap, t'écoutes quoi d'autre? Non, en vrai à l'ancienne, moi j'écoutais pas du rap à l'ancienne. Ok. J'ai commencé à écouter du rap et quand j'ai commencé à rapper. France. Ouais, en France. T'écoutais quoi avant? Avant j'écoutais les sons que mes sœurs écoutaient en vrai. Ok. C'est-à-dire j'écoutais un peu du tout. Parce que les filles ils écoutent beaucoup de styles et comparé aux gars. Du coup, je me suis un peu plus cultivé avant que maintenant. Okay. Avant, j'écoutais beaucoup de musique. Ok. J'écoutais Whitney Houston, j'écoutais... Si. Ça, c'est des vrais trucs. Voilà. Respect. Merci. Que son âme repose en paix. Merci. J'ai analysé un peu ton évolution, les sons, les clips, les ambiances. Et là, je voyais que... Il y a beaucoup de lean hein, dans tes derniers bails, que ce soit les textes ou les clips. Ouais, Est-ce que pour toi, ça c'est un lifestyle, c'est un kiff ou c'est une manière de t'inspirer? Tu mets ça dans tes céréales. Je te demande parce que j'ai vu que tu vois, c'est un bail c'est actuel, tu vois. Oui. Non, mais la lean, c'est un kiff. Hein. Moi après, je prends pas ça souvent. Ouais, je prends même pas ça pour faire des sons, je prends même pas ça pour enregistrer. Okay. Je prends ça quand j'ai décidé de passer une bonne après-midi. Une après-midi tranquille, posée, en train de flex, au calme, écouter de la musique. C'est un kiff. C'est de temps en temps, c'est rare, mais c'est de temps en temps. Si. Parce que moi, j'avais vu ça à l'époque, je crois que c'était un peu avec Lil Wayne. Quoi ? C'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'était au 2S, il jette des portables encore ou quoi ? Tête de ouais, mais il abuse, wesh. Arrête. Arrête un peu. On est en direct un peu de série. Ok, et du coup, en réécoutant un peu les sons, etc., j'ai vu que de plus en plus, tu utilisais autotune. Oui. Donc, toi, est-ce que c'est autotune ou pas autotune ou... C'est quoi ? Moi, en vrai, je préfère pas autotune, mais je sais pas chanter en vrai. Ok. Voilà. Si. Voilà pourquoi l'autotune, ça... Ouais. Ça te booste. Mais en vrai, j'aurais la voix, j'aurais pas utilisé autotune. Ok. L'autotune, ça comble les manques. Ok, si. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'autotune, en fait, ça remet la fréquence sur la bonne note. En fait. Exactement. Ça veut dire que peut-être que tu chantes peut-être un demi-ton près, ça te remet la bonne note. Oui. Et ça fait aussi une belle voix. Et ça, ça fait une bonne sonorité. Bon, et tout. Après, ça dépend comment tu le... Exactement. Comment tu joues avec et tout. Yes. Après, si tu ne sais pas chanter, l'autotune, ça ne te sauve pas. Ouais, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Faut savoir le minimum, l'utiliser plutôt que chanter. Faut plutôt savoir l'utiliser que chanter. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils l'utilisent, ils chantent pas quand ils l'utilisent, mais ils font des trucs des fois avec. Là, vu qu'on est juste sur l'autotune, là, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais la même présence ou la même voix que Nino? Ah, j'ai vu ça sur les commentaires et tout, voilà. J'ai vu ça aussi sur les commentaires et sur les freestyles et tout, mais comment dire? Je pense pas, moi, je trouve... T'as rien à voir peut-être sur l'univers de la musique, mais sur la mélodie, la voix, je trouve pas que j'ai sa voix. T'écoutes un peu qu'il ressemble à Nino le grain de voix, ouais. Je pense qu'en concert, les gens disent ça, moi je comprends pas. Tu trouves quoi, toi? Moi, en tout cas, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Si je trouvais, je l'aurais dit, mais je pense pas. Mais je pense après, c'est... Parce que j'ai pas sorti beaucoup de sons encore. Ouais. C'est les peu de sons que j'ai sortis, les gens ils ont analysé sur ça. Après, avec les temps, ça, ils verront que ça n'a rien à voir. Vas-y, hein, montre-nous. Hein. Ouais. Fais-nous voir. Et quel est ton avis sur l'évolution du rap en 2019? Je sais pas, peut-être que depuis que tu as commencé, tu as vu un peu une évolution ou pas? Oui, ça a évolué les raps. Les raps maintenant, ça passe partout. Ouais. Maintenant, c'est cool quand t'es un rappeur. Maintenant, tu peux faire plusieurs. Il y a plusieurs styles de rap. Donc, il y a plusieurs manières de créer maintenant de la musique. Yes. Ça rajoute. C'est que du positif. Ok. Toi, tu t'y retrouves. Enfin, je veux dire, je sais pas si t'écoutes la radio ou j'en sais rien. Tu vois, si tu vois les clips passer à la télé. Non, je n'écoute pas la radio et tout. Ouais. Je suis plutôt sur Internet. Les clips, tout ça qui sortent et tout, tu t'y retrouves ou... Non, pas les rap français en tout cas. Parce que les rap français, je pense que ça s'est éteint depuis 2015 comme ça. Ok. Et depuis 2015, c'est de la merde en vrai. Ouais. En vrai. Après, il y a beaucoup des artistes qui sortent, c'est du lourd, des nouveaux artistes comme YL. C'est vraiment des très très lourds, très très lourds. Okay. Mais beaucoup que c'est léger. Parce que ils prennent ça à la légère en fait. Quand je regarde les albums références que tu dis par rapport à ton âge, que tu nous cites par exemple Booba, Temps Mort, etc. Tu vois, c'est mais ça carrément, je l'ai connu, j'ai écouté Booba, Temps Mort. Ça fait même pas trop longtemps que je l'écoutais, il y a deux ans. Okay. Il y a deux ans, quelqu'un il a mis un son. Je me suis dit, ah ouais, mais pourquoi en vrai, j'écoute pas les rap français à l'ancienne un peu. Et dans tous les rappeurs, j'aime pas trop. Et les seuls rappeurs que je pouvais encore écouter, c'était Booba parce que sa manière d'écrire à l'ancienne, c'était poétique. C'était même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu peux te retrouver dedans. Yes. Pas pris une ride. Ça veut dire que quand j'écoutais, je me suis dit, ah ouais. Bizarre. Ouais, je vais pas passer à côté de ça ou quoi. Faut que je rattrape le temps perdu. Du coup, je l'ai bien écouté. Lourd. Et ça m'a marqué. Okay. Même après. C'est bon ça. Et j'ai vu aussi que t'avais des sons solo, t'avais des connexions aussi, pas mal de feats entre Besançon, entre Mulhouse. Oui. Mais après, il n'y a pas beaucoup et tout. J'ai fait que des feats avec, mes frères et tout, tu vois, mes gars, voilà, exactement. Et ça veut dire que si, par exemple, un autre gars extérieur à ton équipe qui vient, qui te propose un feat, est-ce que tu es ouvert ou pas? Est-ce que tu fais des feats comme ça? Est-ce que tu... Je sais pas, tu vois. Ouais, je fais des feats et tout, mais après, le problème, c'est que si je fais un feat avec quelqu'un, il faut vraiment que j'aime ce qu'il fait. Il faut vraiment que j'ai l'envie de le faire. Ok. Donc c'est un mec flingué de chez flingué, là il vient, tu dis non. Non, ouais, je dis non. Même s'il pose du bif. Je lui dis non, comment hein? Non, je lui dis non, mais moi après je suis pas... C'était la deuxième partie de ma question. Je suis pas engagement sur ça. Moi je dis la vérité, je fais pas des sons tout le temps. Je fais des sons de temps en temps. Et là frérot, je suis pas prêt de faire un son avec toi. Peut-être un jour, on va se retrouver, on va poser ensemble, tu vois. Mais pour l'instant, je suis pas chaud. Parce que aussi j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire la musique. C'est-à-dire pour prendre le temps et accorder du temps, il faut que j'ai envie, il faut que... Pour 10 000. Ah ça, après, là t'as envie. Après, je vais pas te mentir, hein, je suis pas un rappeur moi. Mais c'est des sous qui viennent, moi je prends. Tout le monde a un prix. Donc là, on te trouve le mec le plus pourri de Besançon avec 10 000 balles. Non, après vraiment, s'il est pourri et tout, il est pourri. 10 000 balles. Tu vois, je prends 10 000 balles. Tu prends 10 000 balles, après voilà, tu fais pas la promo du son. Hein non, je mets même. Voilà, comme les carry. 10 000 balles, je fais la promo, je fais tout. Qui suis-je pour dire non, je vais pas tes 10 000 balles, je fais pas le promo du son. Qui suis-je? 10 000 euros. Vas-y. Et voilà, je prends 10 000 euros, je donne à mon daron, il est content. Et je fais ça, et je fais sa promo, et voilà, le son, il est fait. Mais t'as vu que, tu vois comme il a parlé là. Exactement. T'as un petit genou là dans ta tête. Ah, regarde, 10 000 euros. 10 000 euros, frère. En vrai, même. Et 10 000 euros, c'est aller loin et tout, tu vois, faut pas abuser. Ah, même 2 000 euros, je prends. Yes. On va trouver ça. Vas-y, les gars, sortez les bifs. On est là, nous. On est là, nous. Mais lui, il va faire une cagnotte litchi, là. Tu vois, cagnotte litchi, là. On est là, nous. Tu m'emmèneras pas. Tu m'emmèneras pas. On est là, frère. C'est pas le soir. On est là, nous. C'est pas le soir. On est là, nous. On a rien à perdre. On est là. On prend. Lancement d'une cagnotte. Pour un feat avec Ehud. Bon, je dirais le nom du rappeur plus tard. On atteint déjà les 2000, après on en repart. Ouais, t'inquiète. Ok. Avant de repasser, avant de rediffuser un son. Ah, attends. Ah, t'es galu, mais. T'es avec nous, quoi, là? Mais. Ouais. Attends, je te recentre. T'es en France depuis 2012, t'as dit, hein? Exactement. Tant pis. C'est pas grave, faut que je fasse un jugement quand même. Exactement. Donc, je vais te faire écouter 3 trucs. Exactement. Et tu me sors l'erreur. Tu vas comprendre vite, je pense. Le gars, il l'a pris à contre-pied, il était pas prêt à ça. Mais non, il n'y a pas de contre-pied. C'est un piège, toi. On est là, on est prêt. Tiens, tu veux écouter. T'es prêt, Oud? On est prêt. J'augmente le son, moi. C'est parti. J'avec mes ou voix, mes crapules. La police m'a pas apprise. On doit tous la vie à quelqu'un. L'ange de la mort se trompe pas dans les calculs. Mm-hmm. Donc ça c'est sur quel morceau ça? Mais Ghost 4. Ouais. Palpable. Palpable. Palpable, Ghost 4. Pas l'erreur. Tu peux la remettre hein, si. T'as saisi toi l'erreur ou pas? Mais là, moi j'ai saisi moi. Moi j'ai saisi, tu connais moi, bac littéraire. J'ai avec mes youvois mes crapules. La police m'a pas apprise. On doit tous la vie à quelqu'un. L'ange de la mort se trompe pas dans les calculs. Attends, je te remets. Pire, on est 4 fois plus, on est pragmatique. 22-22, je vais venir 4 voix. J'ai avec mes youvois mes crapules. Moi je sais pourquoi. Je te dis. La police m'a pas apprise. On doit tous. C'est quoi? En fait, il dit, il m'a pas apprise parce qu'il avait écrit le texte pour une meuf. Voilà. Check-le. C'est à toi de donner 2000 balles. Vous avez paniqué mon négro. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On va qu'est-ce qu'il y a? On m'a fait une cagnotte. Dehab, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Ah là, je suis là, là avec mon baveux. La plus grosse enflure dans l'histoire, c'est Chao. Parce que c'est lui qui a mixé le son. Non, mais non, les gars. Les gars, la tête de homme, il faut dire la vérité. Vas-y, les gars. En plus, en vrai, moi, je dis comme ça, je me rappelle bien. C'est même pas Chao, c'est Edion en vrai. Je me rappelle, il m'avait dit CG. La police t'a pas prise. La vérité, ouais, je me rappelle. Au nom de Dieu, je me rappelle. C'est la vérité, je me rappelle. Je me rappelle, j'avais bien posé. Il m'a corrigé. Attends, voilà. Je vais dire un truc. Il m'a corrigé, il m'a dit c'est ça et tout. Je vais dire un truc. Attends, il se défend. Voilà, je suis pas un menteur, je me défends pas. Voilà ce qu'il dit, c'est vrai. Vous voyez quoi les gars, voilà. Moi j'étais là, je posais tout, tu vois, il m'a dit oh mais frère, tu t'es trompé là. Tu t'es trompé là et tout, tu vois. On dit pas ça, on dit ça, j'ai dit ah ouais, vas-y au calme. Vas-y Chao, pull up on les fait. Chao il a pas confirmé aussi. Bah oui, voilà. Oh yeah, ça complote contre moi comme ça. Voilà les gars. C'était prémédité depuis. Envoyez-moi des trucs comme ça sur Snap et tout, on les corrige nous-mêmes et tout, t'as vu. Qui c'est Attends, c'est quoi le Snap déjà? C'est quoi le Snap? Ehud 408. Vas-y, ajoute qui c'est qui a fait le clip là? C'est pas grave. Non, c'est Léonard. Non, c'est Léonard. C'est Donatenkova, Ouais, c'est un frère à moi des Milouz aussi. Ok. Oh, lourd, trop lourd. Si. C'est la famille. J'en ai encore deux, là, vite fait. Mais bon, là, les masques sont tombés. Aïe. Excuse-moi, je te check, je m'excuse. Aïe, t'inquiète, voilà. Tout. T'inquiète, je suis là. On va corriger. On a la coupe. Voilà. T'as pas le droit de parler. T'as masqué, t'as pas le droit de parler. Ehud, j'ai vu, j'ai réécouté tous tes sons, j'ai bien analysé. J'ai une question à te poser. Ouais. Ça veut dire quoi, pragmatique? Pragmatique, c'est quelqu'un qui croit seulement en ce qu'il voit. Est-ce que c'est ça même? Et c'est ça. Mais est-ce qu'il sait lui déjà? Il te pose la question. Est-ce qu'il sait déjà? Tu vois? Il croit seulement en ce qu'il a, en ce qu'il voit. Il croit pas en des choses superficielles. Ouais, il est pragmatique quoi. Ok, ça va. Parce que j'ai eu l'impression que tu avais placé ce mot que pour la rime en fait. Non, je savais, ça voulait dire quoi quand même. Bon, vas-y, non, parce qu'après, ouais, aussi c'est la rime aussi. Ça passait avec les mots d'avant. Ça passait, la définition. Parce que j'ai fait du rap aussi. Oui. Des fois, je mettais des mots qui allaient bien pour rimer. Voilà. Je me suis dit, non, ça, c'est un mot comme ça. Bon, ce soir, en exclu à Radio Sud, Ehud va nous montrer comment on palpe l'atmosphère. Parce que j'ai un problème. Je vais vous mettre un petit extrait. D'accord. L'atmosphère est palpable, l'atmosphère est palpable. Il est 22h40, le flic s'apprête à rentrer dans le... Explique-nous comment tu palpes l'atmosphère. Comment l'atmosphère est palpable? Là, si un gars il rentre tout de suite là avec un gun, il nous braque tous. Ouais. L'atmosphère sera palpable, t'inquiète pas. T'inquiète même pas. Tu veux parler de la tension? Exactement. Pas l'atmosphère. Ouais, de l'atmosphère aussi. Et là encore, il y a des bâtards. Il y a des bâtards qui t'ont laissé se faire encore. Dis-moi tout. T'es en fuite sur le son en plus. Exactement. Parce que, moi, parce que... c'est bon, moi. Moi, je voyais ce qu'il voulait dire. Tu vois ce que tu veux dire, mais ça n'existe pas. Tu sais quoi? Non, c'est imagé après tout. Après tout, c'est imagé en fait. C'est imagé, c'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose de concret, c'est imagé, c'est quelqu'un, il entend, après il... T'inquiète mon ref, te prends pas la tête, c'est validé fort. Voilà, c'est ouais, imagé, c'est quelque chose d'imagé, l'atmosphère est palpable, et l'atmosphère, tu peux la toucher, tu peux la sentir, donc Vas-y, vas-y. C'est vas-y. Stressant, quoi. Il y a, y a quelque chose qui se passe dans la pièce pour que l'atmosphère soit palpable. C'est pas pour rien qu'elle est palpable. Soit palpable. Ok. Vas-y. C'est ce qu'on c'est va bon. Faire, Ehoud. Un jour, c'est ce qu'on va faire. On va faire une émission spéciale Jounès, gros. Je vais te ressortir tous ces sons, mon pote. Ah là, on est va là, analyser non. tous ces sons. On est là. On va expliquer. Explication. Explique, explique. Voilà. Mais après moi, j'aime bien ça aussi parce que ça me permet aussi de m'exprimer sur mes textes et tout. On est là pour ça. Après, franchement, pour un bug, tu parles français depuis 2012. Oui, oui. C'est bon, t'as rien à dire. Quoi. T'inquiète. Si, si. Bien vu, bien vu. Bon, il est 23h. Ce qu'on va faire, on va se faire une petite pause. On va passer un de tes sons. Le son, c'est Ehoud 408. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu du son avant qu'on le balance? Bah, les sons, je l'ai enregistré chez un frérot à moi à 1000 beats. Ok. Les sons, je l'avais posé sur un instru d'un italien et tout, comme ça, tac, j'avais écrit. J'avais les sons sur moi. Je suis allé, je l'ai posé, c'était grave lourd. Je l'ai trouvé grave lourd et je la sors normalement cet été. C'est coffré pour cet été, ça sort pas avant l'été. Donc là, c'est exclusif.